come to kill? I have come for this young man. Something I regret, and I'm bitterly ashamed.

Thank you. les forces de la liberté triomphent finalement de celles de la servitude, quel serait le destin du France ? Ce serait soumis à l'éthique, l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Commande à tous les Français libres de continuer le combat, continuer le combat, continuer le combat, continuer le combat. on the ground. Resistance has begun. Thank you. We'll be right back. Stop. Thank you. I'm C'était Kams et Calibre HK, les Miséroïdes au platine en ping-pong. L'émission Electron Libre se termine pour ce soir. On se retrouve dans 15 jours, le 12 octobre, avec encore plein d'invités, on l'espère, et du gros son, comme d'habitude. Electron Libre, Antenne Doc. L'émission Electron Libre est terminée pour ce soir avec Kams et Widget, donc en ping-pong au platine. On se retrouve dans 15 jours avec plein d'invités encore. Et donc dans 15 jours, c'est le 12 octobre. Demain soir, Terre Blanche à Toulouse, Norgueil des Trolls et Caterva et encore plein d'autres.